Studec Web. Vous êtes bien sur Studec Web, il est 14h. Aujourd'hui dans Coup de Boost, nous allons parler du nouveau carburateur à induction électromagnétique. Ça va être super. Ah ouais, mais non, c'est pas ça la émission. Oupsie. Allez, faut se lever, c'est l'heure du Coup de Boost. Le deuxième réveil de la journée. De 14h à 15h sur Studec Web. Ah bah tu vois, c'était pas si compliqué. Salut à tous, merci d'être avec nous dans le Coup de Boost. On est ensemble pour vous faire kiffer, pour vous détendre pendant une heure jusqu'à 15h. On va vous aider à reprendre le travail ou les cours, ou bien tout simplement à passer un bon après-midi, un tranquille à la maison pour ce deuxième réveil de la journée. Il est Aya Nakamura et Justin Bieber, ses goûts musicaux sont bien à lui. Salut Robin. Salut Jérémy. Alors et à oui. Vous, quel est le titre que tu as écouté toi le plus cet été? Le plus cet été que j'ai écouté, bon ça reste, c'est pas Aya Nakamura, c'est pas Justin. Ah c'est pas Jaja. Non, je que c'était Jaja. Non même pas, je l'ai saigné quand même, mais là pour le coup, non c'était plutôt One Kiss de Dua Lipa. One Kiss et voilà. For the Tech. Celui-là vraiment sur la plage avec mes potes, même quand je suis en soirée ou dans des festivals, etc. Tout le temps, c'est vraiment mon tube de l'été 2018 pour moi. Et normalement, il devrait y avoir Azem avec normalement, nous. Mais... Azem qui sera là dans quelques instants. Il a des petits problèmes de transport en commun. Voilà, on va se l'avouer sur Paris. Il y a quelques problèmes de transport en commun. Il sera là très rapidement. Autre question, qu'est-ce que t'as fait toi cet été? Où t'aimerais aller là? Parce qu'il fait beau, on a envie de partir justement en vacances. Le retour du beau temps, aller là? Où j'aimerais aller, ouais. Où, qu'est-ce que j'ai fait cet été justement? Les deux. Qu'est-ce que t'as fait cet été? Alors, où cet t'aimerais été, aller? Je suis allé chez mes parents au Touquet, donc ouais. Sur la plage, front de mer et tout, super. Je me suis vraiment reposé, c'était cool. En plus, il a fait vraiment chaud, on a eu vraiment de la chance parce que vraiment l'été 2018, on n'a pas eu à se plaindre. Et sinon, l'été prochain, j'aimerais beaucoup aller au Portugal, précisément à Albufeira. Je sais pas pourquoi cette ville. Portugal, il fait chaud, il fait beau. De ouf. Et ça m'inspire carrément. J'ai vu, il y a plein de choses à faire, nager avec des dauphins, du jet ski, enfin vraiment tout ce que je kiffe quoi. Bah venez nous dire vous aussi où vous aimeriez partir là si vous aviez des vacances tout de suite, il fait beau, il fait chaud, venez nous le dire sur les réseaux sociaux avec le hashtag Coup de Boost. Dans quelques instants, bah la météo, le post-it, tous vos événements, tous vos anniversaires, les anniversaires de personnalités à ne pas manquer, c'est dans quelques instants. Juste après, le son de 3 cafés gourmands, nos souvenirs sur Studec Web. Bon après-midi à tous. Puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublie qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oubliez ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette, à en perdre la tête. On veut un vernis Chabrol, un petit bout de gnôle. Les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre. Tenue sur les monétières, c'est pire qu'un testament. Au-delà d'une providence, on est les petits enfants de ce joli coin de France. Je suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya. qui pétille. Mimi, sers-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Merci d'être avec nous. Le coup de boost, c'est jusqu'à 15h sur StudioCouen. Tu sais qui est-ce qui m'a téléphoné hier? C'est pas vrai. C'est Jean-Louis. C'est pas vrai. Oh, le fofolle. Catherine Jablasi. Moi, un certain âge, bon ça va. Belle plante blonde. Ah ouais, mais c'est trop bien, quoi. Le dose du jour sur StudioCouen. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un phénomène qui a pris une grosse ampleur sur YouTube, les vidéos ASMR. Alors, qu'est-ce que l'ASMR? Ce sont des personnes qui se filment en train de faire des bruits de tapotement ou en chuchotant. Et le but dans tout ça, nous aider à nous apaiser, à nous endormir. C'est assez particulier, mais ça fonctionne pour certains. Robin, est-ce que tu connais l'ASMR? Bien sûr, je connais l'ASMR. Je suis quelqu'un justement qui écoute de l'ASMR. Et moi, ça m'a aidé à m'endormir plusieurs fois d'ailleurs. Je pensais au début, je suis allé un peu curieusement sur YouTube parce que je voyais que c'était un phénomène qui prenait de l'ampleur, l'ASMR. Tout le monde en parlait un peu sur Twitter, sur les réseaux sociaux en général. Et j'y suis allé au début, je pensais que j'allais vraiment taper une barre de rire. Et pour le coup, bah non, ça a vraiment marché sur moi. Bien sûr, tu l'as découvert parce que t'en avais vraiment besoin. J'en avais pas réellement besoin, c'était plus de la curiosité. Ouais. Et en fait, j'ai découvert l'ASMR comme ça, par curiosité. De toute façon, on y reviendra tout à l'heure. Et oui, un véritable carton, vu que plusieurs chaînes YouTube ont été créées pour l'ASMR en France. Et certaines vidéos atteignent plusieurs millions de vues et ça aurait réellement des effets sur notre cerveau. Ah ASMR. Oui. Dites-nous si vous connaissez l'ASMR, si ça vous aide réellement à dormir ou à l'inverse. Dites-nous si vous trouvez ça bizarre. Pour participer, envoyez-nous vos noms, prénoms et numéros de téléphone par message privé sur la page Facebook de StudioCouen. On en parle ensemble aux alentours de 14h20. 14h06, la météo, Robin. Oui. Alors aujourd'hui, le temps est plutôt varié sur l'ensemble du territoire avec des températures qui restent de saison. Sur la partie nord-est, de 13 à 17 degrés avec un léger voile nuageux. Dans la partie nord-ouest, le ciel sera gris avec des températures allant de 12 à 16 degrés. Du côté du sud-est, prévoyez de la pluie en Rhône-Alpes et sur la côte d'Azur avec des températures de 9 à 16 degrés. Dans le sud-ouest également de la pluie mais avec du soleil sur la frontière espagnole. Les températures iront de 10 à 16 degrés. Les températures sont de 16 degrés sur Paris et Lille, 12 à Grenoble, 16 à Nice, 12 à Toulouse et 15 à Strasbourg. Demain matin, la France sera coupée en deux parties, à l'est des averses et une partie ouest avec un soleil mais toujours un voile nuageux dans le nord. Il fera entre 9 et 12 degrés dans le sud et les températures iront de 8 à 15 degrés dans la journée. Bon après-midi à tous. Oh mince, j'ai encore oublié la mort de Louis XVI. Ah mais je t'avais dit de noter. Le post-it sur StudioCouen. Les événements ou autres anniversaires à ne pas manquer, on vous fait une petite note pour ne rien oublier. On démarre avec l'anniversaire d'un célèbre acteur, Robin. Alors oui, aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire du chanteur à qui on n'enlèvera pas sa liberté de penser. Vous l'avez reconnu, Florent Pagny, qui fête ses 56 ans. Mais avant, petit flashback musical, c'est dans vos écouteurs il y a un an, le 6 novembre 2017. Catchy d'Offenbach, sorti mi-octobre 2017, c'était il y a déjà un an. Donc comme je disais, aujourd'hui nous fêtons l'anniversaire du chanteur à qui on n'enlèvera pas sa liberté de penser. Vous l'avez reconnu, Florent Pagny, qui fête ses 56 ans. Florent Pagny, c'est ça. Puisqu'ici tout est négociable, mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Mais c'est aussi ça. Prenez mon lit, les disques d'or, ma bonne humeur, les petites cuillères, tout ce qu'à vos yeux. On lui souhaite un très bon anniversaire. Louane a sorti aussi mi-octobre 2017 son titre « Si t'étais là ». Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Aujourd'hui, c'est le film l'actrice réalisatrice, productrice et scénariste américaine. Elle fait ses 71 ans et on rappelle ses récompenses, 2 fois lauréate des Oscars de meilleure actrice et 3 Emmy Awards. Bon anniversaire à elle. Sonotone d'MC Solar, c'était dans nos playlists aussi il y a un an, souvenez-vous. C'était dans nos playlists il y a déjà un an. Rebecca Romijn, une actrice américaine, ancienne mannequin et aussi au cinéma, s'est fait connaître en 2000 en incarnant la mutante mystique dans la trilogie blockbuster X-Men qui fête ses 45 ans. Bon anniversaire à elle. Aujourd'hui, la journée mondiale de la préservation de l'environnement en temps de guerre. Alors, pour faire plus simple, L'ONU réagit de plus en plus face aux dégâts que peut causer une guerre et essaye de trouver des moyens justement pour, entre guillemets, nettoyer les dégâts causés par les conflits. Aujourd'hui, que des acteurs américains, car aussi, c'est aussi l'anniversaire de Ethan Hawke. Il a notamment joué dans Blaze, Bienvenue à Agatha ou encore Les 7 mercenaires. Bon anniversaire à lui. Et aujourd'hui, nous fêtons nous souhaitons une bonne fête à tous les Léonards qui nous écoutent. Et le dicton du jour, la Saint-Léonard, toute vermine part. Personne ne se sent concerné ici. Saint-Léonard, personne. Non, ça va. Dans quelques minutes, on va se battre pour tenter de savoir qui a l'info la plus inutile. Et oui, on a passé toute notre journée à trouver des infos, mais pas n'importe quelle info. Pas d'infos politiques, sociétales, non, des infos inutiles. Par exemple, est-ce que vous connaissez Netflix? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je connais Netflix moi. Justement, il y a un petit rapport. Netflix, ça vous dit rien? Pas du tout. La réponse juste après le nouveau son de DJ From Mars, Gam Gam, sur Studequeb. Bon après-midi à tous. Bien sûr, Studequem, on est ensemble jusqu'à 15h, c'est le coup de boost. Ta dose de kiff, c'est avec l'équipe du coup de boost sur Studequem. Chaque jour, nous travaillons comme des malades pour vous trouver des infos, mais pas n'importe quelle info, hein. Pas les infos que toutes les autres radios peuvent vous donner, non. Nous, on va trouver des infos dont tout le monde se fout, mais qui peuvent être drôles ou pathétiques. À vous de voir. On va faire une petite battle, hein, de celui qui a l'info la plus on s'en fout. Et dites-nous, hein, sur les réseaux sociaux qui, selon vous, a l'info la plus OSEF, le plus on s'en fout, avec le hashtag coup de boost. On se fait une petite partie de bowling pour démarrer, Robin. Ouais, alors le score maximum au bowling, soit 12 strikes, est de 300 points. Et il n'y a que 22 joueurs qui ont réussi à réaliser ce score en compétition en l'an 2000 en France. Voilà, c'est un peu, on s'en fout, c'est un peu inutile, mais voilà, au moins vous savez le score total qu'on peut faire au bowling, c'est de 300 avec 12 strikes. Voilà. Il y a quelques minutes, je vous avais demandé si vous connaissiez Netflix. Est-ce que, ça, est-ce que vous avez de nouveau une petite idée? Vous aviez trouvé qu'il y avait un lien avec Netflix. Il y en a, exactement. Et il y en a aussi avec notre dose du jour. Enfin, plus précisément avec le côté sommeil. Est-ce que c'est des films? Oui, c'est bien des films. C'est pas sur YouTube, c'est un site internet. Netflix, d'accord. Je vous aide. Un site internet, justement, on peut retrouver des courts métrages, un truc comme ça. Voilà. Okay. Qui peuvent nous aider à dormir. Et oui, Okay. Alors il s'agit d'un site qui parodie Netflix et qui a pour but d'encourager la sieste et de proposer du contenu afin de s'endormir rapidement. Nap en anglais signifiant sommeil. Voilà. Okay. Sieste. Okay. Alors je suis allé jeter un œil quand même pour l'émission sur ce site. Alors c'est un site espagnol où on retrouve du contenu très jeune, très stylé, très frais, comme des concours de pétanque. C'est très jeune. Ça nous aide à passer une bonne après-midi. Ou la représentation intégrale du lac des Cygnes également. Ou encore le Tour de France, mais le Tour de France 1992. Voilà. Ah ouais, vraiment, c'est déjà très jeune. Vraiment, c'est très jeune, très frais. Okay. Un seul conseil, si vous connaissez des personnes hyperactives, mettez-les sur site et le problème sera réglé. Il n'y a pas besoin de traitement ni rien. Ils s'endormiront en deux minutes. On va essayer, je vais essayer parce que je suis hyperactif. C'est vraiment très intéressant. Est-ce que vous savez que l'ouvre-boîte a été inventée 50 ans après la boîte de conserve? L'ouvre-boîte 50 ans. Alors comment on ouvre une boîte, la question? C'est ça que je me dis. On se dégomme un doigt. Hein. Je sais pas. Tu mets des gros coups de dents pour l'ouvrir, je sais pas. En tout cas, 50 ans après. D'accord. Voilà. C'est tellement pas logique. Est-ce que vous avez peur en avion? Franchement, ouais. Décollage, atterrissage, je tiens. Et la première fois que vous avez pris l'avion, comment ça s'est passé? Moi, j'étais tout petit, j'avais quoi, 7-8 ans. C'était l'hiver. Du coup, j'avais pas mal de... l'avion bougeait beaucoup, enfin il descendait, remontait. Oh là, c'était dans les coups d'air, voilà. Vraiment, ça faisait peur de fou. Alors, je vous propose justement, pour calmer cette peur, d'aller aux États-Unis. Parce que pour calmer les passagers stressés avant de prendre l'avion, l'aéroport de San Francisco a fait appel à Lilou. Alors, qui est Lilou? Je sais pas. Alors, c'est un petit cochon, un cochin nain, qui se déguisait et qui se baladait dans le hall d'embarquement pour déstresser et distraire les voyageurs. C'est n'importe quoi. Moi, je pense pas que ça peut me calmer. Ah, mais moi non plus, totalement pas. Ça peut pas vous calmer. Imagine passer un cochon déguisé en steward, par exemple. Je rigole. Je rigole, mais ça m'enlève pas le stress. À ce moment-là, on va le faire partout. Pareil pour le bac, ils vont nous mettre quoi? Un signe déguisé en prof? C'est possible, c'est possible. Bon, l'histoire ne dit pas justement en quoi ils l'ont déguisé. Mais bon, assez insolite et assez libre à notre imagination. Donc moi j'ai une autre info insolite. Le plus grand mur d'escalade du monde est situé aux Pays-Bas et il fait 37 mètres de haut. Voilà. 37 mètres de haut. Au lycée on faisait le truc d'escalade, quoi. Il devait avoir 10 mètres. Même pas. J'avais peur en haut, alors 37 mètres, c'est ah, tu avais peur de l'escalade, toi, tu as peur non, de vide. Franchement, non, j'avais pas peur, mais quand t'es en haut, tu regardes en bas, tu dis, ah, faut pas que je lâche, tu vois. Venez nous dire, selon vous, qui a l'info la plus inutile sur les réseaux sociaux de Studekweb avec le hashtag Coup de Boost. 14h, 15h, c'est le Coup de Boost sur Studekweb. Une alerte média vient de tomber. C'est ça, en fait, hier, le record historique d'audience. Eh oui, la petite sonnerie qui nous dit... Une info vient de tomber, Azem. C'est ça. Aujourd'hui, le record historique d'audience de Divan de Marc-Olivier Fogel. Hier, il recevait Stéphane Bern, diffusé entre 23h22 et 1h30. L'émission a été suivie par 1 056 000 téléspectateurs, soit 12,9 individus de 4 ans et plus, selon Médiamétrie. Et franchement, cette émission-là, elle est plutôt pas mal parce qu'on n'est pas... on sait pas que voilà, c'est pas trop intrusif, c'est plutôt bien fait. Voilà, bravo à lui. Une autre info média, Camille Combal s'apprête bientôt à avoir une nouvelle émission, Carl Poulka Roquet, un format américain qui va être adapté en France. Il va recevoir les stars dans sa voiture, voilà, pour les emmener pour chanter avec eux. Voilà, des stars. Ça sera sur une chaîne du groupe TF1. Tu peux donner mon avis ou pas? C'est comme une émission américaine. Moi, franchement, je trouve que le concept de base initialement était très très bien fait aux États-Unis et je trouve que pourquoi en fait on veut toujours en France tout racheter et tout voler pour faire moins bien. Je suis désolé, je suis vraiment franc dans ce que je dis. C'est pas pareil parce que là-bas ils ont des grosses stars aussi, c'est pas comme en France. C'est pas pareil. Maison, poisson, hélicoptère, ver de terre, pain, biscotte. C'est chelou un petit peu. C'est le booster. Sur Studek Web. En fin d'émission, on joue au jeu du booster pour tenter de gagner un pack Studek Web avec une carte dédicacée par toute l'équipe. La règle du booster, elle est simple, il suffit de trouver un mot en rapport avec le thème du jour, les vidéos ASMR. Pour vous aider à trouver ce mot, vous pourrez nous donner autant de questions que vous le souhaitez, questions auxquelles on ne pourra répondre que par oui ou par non. Mais attention, vous n'aurez qu'une minute pour retrouver ce mot du jour et à chaque mauvaise réponse, on donnera un coup de boost au chronomètre et le temps s'accélère. À vaut mieux être sûr donc avant de donner vos propositions. Pour participer, envoyez-nous vos noms, prénoms et numéros de téléphone en message privé sur la page Facebook de Studek Web. Et si vous êtes sélectionné, on vous rappellera aux alentours de 15h pour jouer au booster. Bonne chance. Dans quelques instants, l'info du vrai faux, à vous de démêler ce qui est vrai de ce qui est faux. Le dos du jour, est-ce que vous êtes pour ou contre le phénomène ASMR?

Et aujourd'hui, le dose du jour, êtes-vous pour ou contre les vidéos ASMR? Alors, l'ASMR, c'est un phénomène depuis 2010 sur YouTube avec des vidéos visant à procurer une sensation de bien-être et de détente. Alors, le concept, il est né aux États-Unis et s'est répandu ces dernières années en France. Dans ces vidéos, on peut voir des personnes en train de chuchoter ou bien de tapoter des objets. Azem, est-ce que tu es pour, toi, ou contre le phénomène ASMR? Je suis ni pour ni contre, mais je trouve ça voilà un peu spécial. Un peu spécial. Ouais, un peu spécial. Toi, ça t'aide pas à dormir? Non, t'as, pas du t'as tout, jamais pas écouté tout. Une vidéo avant d'aller dormir? Non, j'ai pour t'aider pour l'émission, ouais. Du coup, mais je trouve ça plus gênant. En plus, ça me fait rire quand j'écoute, du coup. Ouais. Et voilà, je trouve pas ça. Ça t'aide pas, quoi. Ça t'aide pas à dormir. Si vous ne connaissez pas l'ASMR, on va vous donner une petite idée de ce qu'est l'ASMR, ouais. Avec un extrait de lecture chuchotée. On retourne un peu à notre sujet d'hier, hein, vu que c'est un extrait de lecture d'Harry Potter. Chapitre 12. Le miroir du reset. Noël approchait. Un jour de la mi-décembre, Poudlard se réveilla sous une épaisse couche de neige. Le lac avait gelé et les jumeaux Weasley reçurent une punition pour avoir fabriqué des... Donc voilà, ça c'est une vidéo qui dure un peu plus d'un quart d'heure. Elle nous lit tout le chapitre 1 d'Harry Potter. C'est la chaîne ASMR Serena. Elle a plus de 70 000 abonnés quand même et cette vidéo a été vue plus de 15 000 fois. Mais il y en a beaucoup qui... 15 millions, non? Ouais. Plus de 15 000 fois celle-ci. Ah, 15 millions, c'était... Oui, mais c'est déjà pas mal quand ah, même. Ah, oui, pour, mais parce pour que une ça, lecture d'un quart d'heure. Ouais. Je suis plus étonné par le nombre de vues des vidéos ASMR, du coup, c'est pour ça que je pensais que c'était mieux. Bref. Et alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce phénomène? Moi, enfin, je comprends, là, parce qu'il y a vraiment des personnes stressées, ils aiment bien écouter un peu des choses calmes, apaisantes, tout ça. Mais, par exemple, je sais pas, on s'est déjà dit hors antenne, que voilà, les bruits de bouche, voilà, ça me dégoûte un peu. Tu vois, c'est pas très bon à entendre. Et du coup, voilà. Moi, je pense qu'il y en a, ils en ont besoin. Moi, je vois pas l'utilité pour moi. Okay. Voilà, chacun ses délires. Et bah, Gwendal est avec nous et il est au téléphone pour nous donner son avis sur l'ASMR. Salut, Gwendal. Salut, l'équipe, ça va? Salut, ça Gwendal. Va, salut. Tu fais quoi dans la vie? Dans la vie, je suis peintre. Je suis peintre en bâtiment. Peintre en bâtiment, très très beau métier. Cool. Très beau métier. Tu pourras venir refaire la façade de la rue. Ouais, ouais, parce que il y a besoin, ça commence à vieillir un petit peu. Hein. Toi, est-ce que t'es plutôt pour ou contre l'ASMR? Moi, je suis, mais c'est même pas pour, c'est carrément pour, vraiment. Je suis un fan complet. Ouais, non, mais ça m'aide à m'apaiser parce que, genre, des fois, les journées, c'est un peu rude. Donc, quand je rentre chez moi, écouter de l'ASMR, je trouve vraiment que c'est vraiment pas mal. Et ça m'aide vraiment, genre, à m'endormir et à m'apaiser, quoi, en gros. Merci, Gwendal. Au moins, l'ASMR, mais il y a plusieurs ASMR. Il y a l'ASMR quand comme on a pu entendre les lectures, ouais. Les lectures chuchotées, ouais. Mais également des personnes qui font des trucs un petit peu étranges, ouais, des petits tappings, des petits bruits. Ouais. Justement, on a un extrait d'ASMR tapping. On va écouter, on va vous donner une petite idée de les tappings. À quoi ressemblent les tappings? On écoute ça tout de suite. Bonsoir. Comment vas-tu? Oui, j'ai cru comprendre que tu avais du mal à t'endormir. Tu as bien fait de m'appeler. Donc voilà, cette vidéo elle aussi elle dure plus de 30 minutes, hein, vue par plus de 2 millions de personnes. Donc là tu disais voilà un chiffre quand même fou. Donc dans cette vidéo elle nous parle comme si on était face à elle et elle tape sur à peu près tout ce qui lui tombe sous la main et fait des petits bruits de bouche. Est-ce que toi ça t'aide, Gwendal? Ouais, mais après en vrai je préfère quand même les lectures, genre les gens qui lisent des trucs. Je trouve que c'est un autre moyen d'aborder les livres en fait, ce qu'on connaît actuellement, enfin de habituellement. Je trouve vraiment que c'est un autre moyen. Ça t'aide vraiment à dormir ça ou... Ah ouais, non mais vraiment, genre ça m'apaise vraiment. Bah après m'endormir, oui, si ça m'arrive des fois de m'endormir devant quoi, mais ça t'apaise. Ouais, ça m'apaise. Parce que moi, alors, par exemple, j'ai écouté, j'ai rigolé là. Ouais, moi pareil, exactement pareil que toi. On a vu les vidéos, on s'est mis à rigoler, on n'a pas compris le délire. Explique-nous les sensations justement que tu peux avoir. Bah en fait, c'est assez spécial, mais c'est comme si t'écoutes de la musique douce ou vraiment, enfin c'est vraiment un truc genre qui t'apaise quoi. Je sais pas trop comment expliquer, mais non. C'est un truc qui t'apaise. Enfin, je sais pas vraiment si ça s'explique, mais. Ouais, non, mais on voit ce que tu veux dire, chacun. Et justement, les musiques, qu'est-ce qu'il y a de plus, l'ASMR, par rapport à une musique? Écouter un disque pour t'aider à t'endormir? Je sais pas, j'écoute de la musique aussi, j'écoute de l'ASMR, ouais. Ça me détend, ouais. Parce que même des musiques avec des fonds sonores de la nature ou un peu zen. Ouais, en vrai, je trouve ça pas mal. Ouais, aussi. La musique, c'est beaucoup. Enfin, pour moi, la musique, quand t'écoutes de la musique, enfin, je sais pas, moi, j'arrive pas à m'endormir parce que je me concentre toujours et surtout quand j'écoute de la musique que je connais. J'ai toujours besoin de chanter les paroles dans ma tête, c'est débile, hein, mais j'ai toujours besoin de faire ça. Et donc, du coup, l'ASMR, bah voilà, ça m'aide plus à m'endormir que de la musique. Moi, je comprends Gwendal sur le sujet, du coup. C'est simple. Et bah, Gwendal et Robin, vous comprenez, c'est parfait. Bah, merci beaucoup, Gwendal, d'avoir participé. Et puis, bonne relaxation avec les vidéos ASMR. Si tu veux te faire une petite vidéo dans l'après-midi, voilà, tu nous dis comment ça se passe. Merci beaucoup, Gwendal. Ok, d'accord, merci à vous. Bon retour. Salut, Gwendal. Dans quelques instants, en fin de mission, on joue au booster. On joue au booster pour tenter de gagner, un pack Sudekweb. Le booster, la règle du jeu, c'est simple. C'est un mot en rapport avec un thème. Le thème du jour. Là, les vidéos ASMR, vous l'aurez compris. Pour vous aider à trouver ce mot, vous pourrez nous poser toutes les questions que vous souhaitez auxquelles nous pourrons répondre que par oui ou par non. Vous aurez une minute pour trouver ce mot et le cadeau. Et pour participer, envoyez vos noms, prénoms et numéros de téléphone en message privé sur la page Facebook de Sudekweb. Bonne chance à tous. À 15h, restez bien sur Studek Web, vous retrouverez toute l'équipe de Studek Borderline au programme. Une petite fille qui a essayé de vendre sa grand-mère sur eBay. Oui, ce sera le dose du jour. Info insolite, il existe un job où on est payé 100$ à ne rien faire. Le retour de l'info, la playlist Studek Web. Et en fin d'émission, vous pourrez tenter de gagner un pack Studek Web en venant jouer au jeu des poupées russes. Un seul rendez-vous, Studek Borderline, avec Antonin, Mona et Hugo, de 15h à 16h sur Studek Web. Oui. Allez, faut se lever, c'est l'heure du coup de boost. Le deuxième réveil de la journée. De 14h à 15h sur Studek Web. Ah bah tu vois, c'était pas si compliqué. Et le coup de boost, c'est jusqu'à 15h sur Studek Web avec Azem et Robin. Tout se passe bien ? Ça va, très très très bien. Romain qui s'est tapé l'incruste ce week-end, on en parlera dans quelques instants. Où il était, chez qui, on en parle dans quelques instants. Mais pour le moment, place à l'info du vrai faux. Ah ouais, mais non, c'est pas ça les infos. L'info du vrai faux, c'est sur Studek Web. 14h30, passé d'une minute, donc 14h31, les infos sous un autre angle. Bonjour Robin. Bonjour Azem, bonjour Jérémy. Première info, les Spice Girls vont bientôt repartir en tournée, mais cette fois-ci à 4. C'est bizarre, il en manque une, mais les prix sont 4 fois plus chers. Une météorite ou pierre retrouvée par un couple belge à Bogas, ils vont envoyer un rapport à l'observatoire astronomique de Toulouse, Jolimont, pour demander une analyse. Ils vont juste se rendre compte, je pense qu'au final, ils avaient juste une grosse pierre, un gros rocher dans leur salon. Brigitte Macron a confié dans une interview que Monsieur Emmanuel Macron était fatigué, mais qu'il n'aime pas qu'on lui dise, pardon. Bon, bah même si on peut plus lui dire ça, bah on va pas parler de chômage avec lui. Un homme vient de déposer plainte à la gendarmerie et il précisa à la gendarme qu'il reçoit des lettres de menaces par courrier, des lettres non anonymes car il précise qu'elles sont toutes signées par EDF et le centre d'impôt. Donc le mec il a déjà l'EDF et le centre d'impôt sur le dos et maintenant il a la gendarmerie. À 85 ans, une franco-américaine vient à bout du marathon de New York. Il faudrait peut-être penser à revoir le service militaire pour les personnes âgées, au mieux à la place de les mettre dans une maison de retraite. En Chine, une passagère superstitieuse a retardé un vol à Shanghai pendant plusieurs heures mardi après avoir jeté une pièce de monnaie dans un réacteur d'avion en pensant que ça allait lui porter chance. Elle a annoncé à la police de l'aéroport de la compagnie aérienne. La passagère vieille de 80 ans a été arrêtée par la police de l'aéroport international de Shanghai, Hong Kong. Pour le coup, ça lui a bien porté chance, une nuit gratuite au poste. Au Canada, après l'attaque de plusieurs facteurs par une corneille, le service postal canadien a suspendu la distribution du courrier dans le quartier de Vancouver Ouest. Eh ben, ils vont envoyer leur courrier par pigeon voyageur. Voilà, c'était l'info du vrai faux. De retour demain, dans quelques instants, l'histoire du week-end de Robin, juste après Kenji, pour oublier sur Studek Web. Bon après-midi. Enfant des villes, ou enfant des fois, on se fait tous une île pour aller bien à l'horizon. Pas de boulot, c'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on l'est trop. Alors on traque un peu de joie pour porter le sac quand ça va pas. Et demain l'horloge s'arrêtera. Comme dirait Georges, ça va de soi. On ira faire la fête, on ira faire les rois pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois pour se vider la tête. Pour oublier, pour oublier, pour oublier, le temps qu'on passe à pleurer s'amoncelle dans nos valises. C'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise. Oublier l'horloge, qui tourne et nous tue. Comme dirait Georges, bien entendu. On ira faire la fête, on ira faire les rois. Pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois. Pour se vider la tête, pour oublier. Faire les rois pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois pour se vider la tête. Web, c'est le coup de boost jusqu'à 15h sur Studek Web. Robin, il t'est arrivé un truc de fou ce week-end et tu voulais nous le faire partager, une histoire d'incruste. Alors ouais, il m'est arrivé un truc de fou samedi soir. Effectivement, j'ai trouvé ça super drôle et je voulais le partager avec vous. Bon, on connaît tous dans les films les soirées de voisins où tu t'incrustes et ça dérange absolument personne. Tu montes sur le canapé et tout, tu finis à danser toute la soirée. Mais bon, ça reste que dans les films. Eh bien, figurez-vous que non, avec un peu d'originalité, de courage, c'est possible. Je vous explique. Alors en fait, le truc, c'est que depuis un mois, j'ai emménagé avec ma meilleure pote et samedi soir, on entendait ses voisins faire une soirée, enfin bref, banale, mais à tel point qu'on pouvait chanter avec eux. Donc pour leur faire comprendre que c'était un peu abusé, tu vois, on leur a écrit un mot. J'ai des preuves vidéo et photo à l'appui, hein. Donc on a écrit « Pouvez-vous écrire les sons que vous passez depuis tout à l'heure ? On n'arrive pas à les Shazam avec l'application. » On l'a ensuite déposé devant leur porte et j'ai sonné et couru comme un gros gamin. Bon, on s'amuse comme on peut. Hein. Elles ouvrent la porte, prennent le mot et referment la porte. Passé 10 minutes, j'entends la porte s'ouvrir et là, elle crie dans le couloir « On a répondu !» mais genre tout en cœur, donc c'était trop drôle. Je pars donc chercher leur réponse et là, je vois qu'elles ont bien noté tous les morceaux qu'elles ont passés et en dessous, elles ont écrit « Si vous avez d'autres idées de son, n'hésitez pas à venir. » Franchement, j'ai eu 20 secondes de réflexion, on s'est changé, on a sonné à leur porte, qui va se gêner ? Et elles nous ont fait rentrer et en plus, on a été super bien accueillis, petit verre de blanc, saucisson et tout ce qui s'ensuit, bien sûr avec modération. Résultat, j'ai sauvé mon samedi soir, j'ai passé une super bonne soirée, improvisée mais super cool. Voilà, c'était ce qui m'est arrivé samedi soir. Et vous, Jérémy, Azem, ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une soirée un Alors peu moi, improbable je... Ouais, non, moi je me suis jamais incrusté, mais par contre, ça m'arrive souvent quand je fais des soirées chez moi de me retrouver avec des gens que je connais pas. Parce que je dis toujours à mes potes, venez accompagner, venez avec vos potes et tout et tout. Alors, ils viennent avec leurs connaissances et bah, je me retrouve avec des gens que je connais pas, mais je fais connaissance dans la soirée, donc c'est assez cool. Moi, une fois, il m'est arrivé en Tunisie, j'étais avec mon ami dans la voiture, on regardait les films, et tout d'un coup, on voit un mariage passer. Du coup, on a fait quoi ? On prend la voiture. On s'est incrusté dans le mariage. Dans le cortège, oh là c'est là. C'est ça. En plus, on était bien habillés, chemise, tout ça, parce qu'on allait sortir le soir. Et du coup, quand on arrive dans la soirée, c'était la soirée d'un riche millionnaire tunisien qui a fait une fête de ouf. Franchement, on s'est posé sur une table. Là, le monde. Et tu sais pas ce que tu faisais là. Franchement, on était là, on regardait, on rigolait. Genre, la fête, un mariage de ouf. Moi, j'étais jamais vu un mariage aussi beau que celui-là, carrément. On connaissait personne. On était là. Quand les gens viennent, ils disaient bonjour, tout ça. On disait bonjour, on parlait pas. Enfin, on les regardait. Voilà. Parfait. Bah, on parle musique tout de suite. J'adore les sushis. Oh, mais j'adore la pizza. Mais j'adore la pizza. Le crush de la semaine sur Studek Web. Comme tous les mardis dans le coup de boost, Robin, tu nous parles de ton coup de cœur de la semaine. Ouais. Alors, sur quel artiste as-tu eu un crush aujourd'hui ? Alors, cette semaine, mon cœur s'est tourné sur un petit nouveau dans le monde du mix, Florent Hugel, beaucoup plus connu, avec son nom que son prénom, du coup. Et ouais, je parle bien de Hugel. Hugel, c'est qui ? C'est un DJ français qui s'est fait connaître grâce à ses remixes. Il a remixé David Guetta avec son tube Sun Goes Down. Donc ça, c'était la version originale, et celle-ci, c'est celle remixée par Hugel. Il s'est pas arrêté à du David Guetta, il a déposé sa patte sur le célèbre Mi Gente de J Balvin. Et elle a aussi mis sa patte sur Charlie Puth, du coup, qu'on vient d'entendre. On a aussi le droit à son remix. Et grâce à tous ses remixes postés sur YouTube, il commence à se faire remarquer, et pas par les moindres. David Guetta l'a invité à assurer la première partie de sa tournée, et notamment à Paris, à l'Accor Hotel Arena, en janvier 2018. C'est déjà un très très très beau parcours pour un jeune DJ français, pardon. Mais quelques mois après, il a ressorti un nouveau mix qu'il a placé numéro 1 partout en Europe. C'est le fameux remix de la série Casa de Papel, avec Bella Ciao. Et malgré ce succès incroyable, il ne se repose pas sur ses lauriers et a publié le 21 septembre dernier un remix de Lady Marmalade repris par Laura White. Le mix s'appelle Ce Soir et c'est sur Studek Web. Give it a go, oh, oh, oh. Get you, get you, yeah, yeah, yeah. Voilà, je vous ai ouvert mon cœur sur mon crush de la semaine. Demain, je monterai au grenier pour vous dénicher quelques tubes qui datent de quelques générations, mais que j'aime tellement écouter. Je suis trop pressé d'être demain, du coup, mettre du Céline Dion et tout. On verra ça demain, Robin. Et vous aussi, dites-nous sur les réseaux de StudioQueb, quel est votre coup de cœur de la semaine avec l'hashtag coup de boost. En fin d'émission, vous pourrez tenter de gagner un pack StudioQueb en venant jouer au booster. Alors, le principe du jeu, il est simple. Il vous suffit de trouver un mot en rapport avec un thème, le thème du jour, les vidéos ASMR. Vous aurez une minute pour tenter de trouver ce mot. Mais attention, en cas d'erreur, on donnera un coup de boost au chronomètre et vous perdrez 5 secondes à chaque erreur. Pour vous aider à trouver le mot, vous pourrez nous poser autant de questions que vous le souhaitez, auxquelles on ne pourra répondre que par oui ou par non. Pour participer, envoyez-nous vos noms, vos prénoms et numéros de téléphone par message privé sur la page Facebook de StudioQueb. Dans quelques instants, on écoutera vos messages que vous nous avez laissés sur le répondeur StudioQueb. C'est la boîte noire, comme chaque jour, en fin d'émission. Et on écoutera le duo Bradley Cooper, Lady Gaga avec Shallow. La bande originale du film Star is Born, alors qu'il est bon ce son avec une Lee et Lady Gaga qui est très puissante. C'est dans quelques minutes, restez bien avec nous, on revient tout de suite. Au programme Le D'accord, Pas d'accord, l'actu média décrypté uniquement pour vous, le journal des médias pour vous éclaircir, et puis des cadeaux à gagner avec le C'est qui c'est quoi, votre pack StudioQueb à gagner avec des mugs, des stylos, des stickers. Je peux même vous donner un petit indice, on recherche un animateur radio-télé. Christophe Beaugrand ? Non, je vous en dirai pas plus. Adrien, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 16h sur StudioQueb. StudioQueb, il est 14h49. C'est qui ? C'est avec l'équipe du coup de boost sur StudioQueb. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you I fear myself. I'm off the deep. Tudek Web, il est 14h49 et comme chaque jour, on écoute les messages que vous nous laissez sur le répondeur. C'est la boîte noire. J'ai une interrogation depuis le début de l'année. Tous les jours, je mets mon réveil à sonner, mais je ne comprends pas pourquoi je ne me réveille pas. Est-ce que vous sauriez pourquoi ? C'est quand même bizarre. Salut l'équipe. En fait, moi, je vous appelle parce que je sais pas comment faire pour avouer à mon copain, je l'ai trompé avec son patron. Du coup, vous pensez que vous pourrez m'aider à lui avouer ou pas ? Bisous, bisous. Salut le coup de boost, je m'appelle Kevin, j'ai 17 ans et demain je fais une éval d'anglais, sauf que j'ai pas du tout bossé. Est-ce que vous pourriez me donner des conseils pour tricher sans être vu ? Merci beaucoup. On va revenir vite fait sur les messages. Le premier c'était, il met son réveil mais il n'arrive pas à se réveiller. Alors quel conseil on peut lui donner ? Franchement, soit d'augmenter le volume, soit de se coucher un peu plus tôt pour pas rater son réveil. Ou bien dormir un peu plus, si il a besoin de dormir. Kevin qui nous demande de l'aider à tricher. Moi j'ai une idée, triche, pas pour bien. Tous ceux qui veulent tricher, j'ai une idée, parce que moi je suis un tricheur, tu sais. Pour faire quoi ? Tu prends le papier de la bouteille, écrit dessus et tu la recolles. Allez, on fait ça. Tu regardes par la bouteille. Et le message qui nous a le plus touché, on était obligé de la rappeler, c'est cette jeune femme qui ne sait pas comment avouer à son mec. Elle l'a trompé avec ça, son c'est patron. Chaud, ça, c'est chaud. Et cette jeune femme s'appelle Caroline, elle est avec nous, elle a 22 ans. Salut Caroline. Salut Caroline. Salut l'équipe. Salut. Alors raconte-nous vite fait l'histoire. Déjà je tenais à vous dire que je suis trop contente que vous m'ayez prise parce que je vous adore. J'adore le coup de Merci, vraiment, beaucoup. Et en fait, du coup, l'histoire, elle est simple. C'est juste que j'ai fait une petite boulette. C'est que j'ai trompé mon mec avec son patron. Voilà, c'était au cours d'une soirée. On a fait une soirée d'entreprise. Une coupe, deux coupes, trois coupes de champagne. Et vous savez comment ça se termine. On termine en chenille. Et puis, Dans tous les sens, voilà, quoi. Et j'ai fait une petite boulette. Et depuis, je m'en veux. Et voilà, quoi. Okay. Alors, tu sais pas trop comment l'avouer à ton mec ? Je me dis qu'il faut que je lui avoue parce que je me dis que si un jour il l'apprend, ça serait horrible. Ouais. Et le pire, c'est qu'en plus j'aime mon copain, c'est que j'ai fait ça vraiment. C'est ce qu'on appelle une boulette. C'était juste je voulais. Et tu t'en veux énormément maintenant. Azem, t'as une petite un petit conseil. Moi, je pense personnellement, il faut que tu lui dises d'un coup. Il va mal le prendre, c'est sûr et certain. Il va peut-être te quitter, je sais pas. Il faut que tu lui dises parce que si lui l'apprend, c'est encore pire. C'est sûr et certain, ça va clasher. Alors pour moi Caroline, je pense qu'une faute avouée t'as moitié pardonnée. Dans la vie je pense qu'on faute tous. Certes, là je suis pas sûr qu'il va hyper bien le prendre. Je pense pas qu'il va te lâcher son meilleur smile. Mais je pense qu'il faut vraiment que tu le dises de toi-même. Parce que les bruits ça court vite. Et ça va vite revenir à ses oreilles. Et la vérité finit toujours par éclater, c'est pour ça, ma part. Voilà, nos conseils c'est d'être franche. Et voilà, lui dire le plus rapidement possible et le plus vite possible. On espère que ces conseils t'auront aidé. Et que tout se passera bien avec lui. Retiens-toi la prochaine fois Caroline. Elle a pas fait exprès là pour. Je me tiens au courant, promis. Et si t'as besoin d'autres conseils, surtout n'hésite pas à nous les demander sur les réseaux sociaux de Sudek Web. Bisous. Salut Caro. Bonne journée, bisous. Salut. Salut, ciao. Il est l'heure de jouer au booster. Maison, poisson, hélicoptère, ver de terre, pain, biscotte. C'est chelou un petit peu. C'est le booster. Sur Studek Web. Et on joue au booster, le jeu où il suffit de trouver un mot en une minute chrono, un mot en rapport avec notre thème du jour, les vidéos ASMR. Et Nicolas est avec nous pour jouer au booster. Salut Nicolas. Nicolas. Nicolas. Oui. Salut, comment ça va ? Salut l'équipe, salut tout le monde, ça va, tout va bien. Nicolas, tu as 22 ans, tu nous appelles de Paris, t'es parisien. Exactement. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis vendeur en magasin. Okay. Vendeur en magasin, très très beau métier. Ramène-nous des chaussures si tu vends des chaussures. On prend toutes les infos. Tout ce qui est gratuit, on prend. Je te rappelle la règle du jeu, vite fait, tu dois trouver un mot en rapport avec notre thème du jour, les vidéos ASMR sur YouTube. Pour ce faire, donc tu auras une minute, pas une seconde de plus, mais en cas d'erreur, on donnera un coup de boost au chronomètre et tu perdras à chaque erreur, tu perdras 5 secondes. Okay. Vaut mieux que tu sois sûr avant de nous donner tes propositions. Pour t'aider à trouver le mot, tu pourras nous poser autant de questions que tu le souhaites auxquelles on ne pourra répondre que par oui ou par non. T'es prêt Nicolas ? Ça marche, vas-y, quand vous voulez. Et c'est parti, tu peux nous poser tes questions. On t'a relancé. Est-ce que ça se fait à plusieurs ? Ça se fait à plusieurs ? Non. Non. Est-ce que c'est pour se détendre ? Oui. Oui. Est-ce que le but c'est de parler fort ? Oui. Non. Non, non, non, justement. Du coup, il faut parler doucement, j'imagine. Oui. Ça. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait souvent ? Enfin, je veux dire, dans la vie tous les jours ou... Oui. Ok. Vite Nicolas. Est-ce que j'ai une idée, est-ce que ce serait pas le chuchotement ? Et c'est ça, bravo Nicolas. Tu gagnes le pack Studec Web et tu vas pouvoir venir visiter les locaux, assister à l'émission, un petit repas entre nous. Qui tu préfères dans la bande, tiens? Franchement, j'ai pas de préférence. Je crois que vous êtes au top, les gars. Ah, tu nous kiffes, c'est sympa, nous aussi on kiffe. On a avec plaisir de que tu viennes dans les locaux, on attend que des gagnants, les mots sont trop simples, mais c'est bien au moins. On va pouvoir vous prendre à l'antenne. Et bah, salut Nico, à bientôt. Salut les gars, merci beaucoup. Merci à toi, ciao. De 15h à 16h, on retrouve toute la bande de Studec Borderline avec Anto. Salut Anto. Bonjour tout le monde. Alors, salut Anto, est-ce que toi tu connais l'ASMR? Oui. Est-ce que tu kiffes l'ASMR? Ça me répugne à un point. Merci. Quelqu'un qui me comprend, c'est bien. Il y a quelqu'un enfin avec Azem que... pour partager son avis. Voilà, j'avais cru comprendre déjà que ça, Azem n'était pas trop chaud pour. En fait, c'est le seul à être pour dans toute cette équipe, dans cette radio, c'est pas possible. T'es le gars. Non, mais t'as le droit d'être chelou, on t'en veut pas. C'est ça, mais t'es le gars du groupe. Ben oui, ben alors, il y a quoi? Mais qu'est-ce qui te plaît pas du coup dans ASMR? Je sais pas, enfin, il y a des vidéos ASMR où les gens vont chuchoter des petits trucs, tu vois, sont comme de l'hypnose, donc ça va. Mais pourquoi les gens se sentent obligés de manger des cornichons? C'est ça. Avec ces bruits, est-ce que les bruits de bouche nous aident à dormir? C'est la question. Non, c'est pas vraiment, hein. Je sais pas. Ouais, on est d'accord. Donc je confirme, Robin, t'es chelou. Ouais, je suis chelou. Je suis chelou, je reste chelou, je resterai chelou, voilà. Voilà, tu resteras chelou. Non, mais en vrai, la dernière fois, c'est vrai que j'ai pu découvrir aussi grâce à toi. Je précise, Jérémy, cette Tu nous as vu préparer l'émission, tu nous regardais bizarrement. Voilà, bah, tu me parlais d'une actrice. Limite, tu nous frappais, mais bon, on va pas dire. Un peu olé olé qui faisait de la CMR. La S. Ah oui, oui. On n'a pas pris cet extrait là pour l'émission, mais ouais, je dis qui était c'est space. Faisait n'importe quoi celle-là. Aujourd'hui, on parle d'une dans Studec Borderline, on parle d'une jeune fille qui a essayé de vendre sa grand-mère. Exact. Sur eBay. Et ça m'a fait trop rire. Mais c'est Hugo qui nous en parlera de ça. Ça arrive, nous en parlera dans quelques instants. Et ben merci beaucoup, merci Antonin. On se retrouve de 15h à 16h Studec Borderline. Avec plein d'autres infos, des new news, de l'art média, de la nouvelle, enfin, des nouveautés du côté musique urbaine, plein de choses. Et une chronique musicale, justement. Bah, justement, musique urbaine, oui. Musique urbaine. Merci beaucoup, Robin, Antonin, merci à toi, bonne émission. Antonin. Et on se retrouve demain, salut la bande, salut à tous. Salut, ciao. Je cherche un peu de chaleur à mettre dans mon... Les démons de minuit sont sur Studek Web et pour une fois, c'est pas nous.